fou. Vous êtes dans la zone 89.1. Directement de l'année 2013 au grand complet. C'était fou en 2013. Bonjour et bienvenue à C'était fou en 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Stéphanie Paradis. On se connaît, toi et moi, de l'émission Les Palmarès, c'est fou. Ben oui, ça me dit quelque chose, cette émission-là. Oui, c'est une émission qu'on anime toute l'année où on vous présente top 20 franco et top 20 anglo. Et à la fin de chaque année, ben, Caroline, un peu comme un congrès, quelque chose comme ça, un colloque. OK. On se rassemble. Et on fait des choses. Les meilleurs, ça semble. C'est ça, exactement. Et on fait un beau petit palmarès pour l'année 2013 au complet. Et on remercie évidemment le directeur musical, directeur de programmation, Alain Lefebvre, qui compile ce top 25 francophones et top 20 anglophones en regardant le nombre de semaines que chaque pièce a passé dans le palmarès. Et c'est ce qui détermine leur position. C'est pas est-ce que les pièces sont meilleures que les autres. C'est pas est-ce qu'il n'y a pas de vote entre les animateurs. Il y a quand même une certaine connotation, on s'entend. Là. Oui, si ça dure longtemps. Si c'est pas bon, on le sac dehors. Là. Exactement. Mais il y a des choses qui sont très bonnes et qui n'ont pas duré assez longtemps parce qu'ils ont remplacé par d'autres pièces du même album et là, ils sont pas dans le top. Ou que c'est encore trop récent sur le palmarès. Exactement. Il y a même des choses qui sont encore sur le palmarès en décembre qui pourraient finir dans le top de l'année prochaine, si c'était en 2014. C'est à surveiller. Ça se pourrait très bien. Donc, on va passer 3 heures à décortiquer tout ça. On va explorer un petit peu ces deux top 25. On va aussi parler du top loud. C'est un top 30 dans ce cas-là. On va aussi avoir 3 éditions spéciales d'un instant classique. En fait, une édition normale et 2 éditions spéciales. Oui, OK. C'est une comme toutes les autres. Malgré que des fois, c'est spécial. Ouais, pas nécessairement dans le bon sens toujours. Non, c'est ça. Ils sont particulières. C'est ça que quand on dit en tout cas, toi, t'es quelqu'un de spécial. Oui, ou quand tu vas mener ton animal à spécial. Okay, à spécial. Tu vois, ça va être comme ça tout le long de l'émission, hein, parce que ma tête a fait des affaires bizarres en défibite. Elle fait des affaires spéciales, hein? C'est ça. Donc, oui, pour revenir à un instant classique, on va avoir l'édition normale, c'est-à-dire de la semaine la plus récente, celle du 16 décembre 2013, la dernière semaine de la session pour assemblage requis. Donc, juste les meilleurs moments de la semaine, comme on le fait à l'année longue. Et ensuite de ça, 2 éditions particulières et dans ce cas-ci vraiment extraordinaires de l'année 2013 au grand complet. On a 2 blocs, un de janvier à avril et un autre de septembre à décembre, des meilleurs moments de l'année. Et ça va être éparpillé au travers des 3 prochaines heures. Éparpillé un peu partout et surprenant. Par en avant, par en arrière. Hein? Un peu comme quand il pogne un coup de vent là, dans ton paquet de feuilles. Oui. Ça s'éparpille partout. En tout cas, je pense que ça va être. Ça devrait s'appeler le bloc comme. Les méga instants classiques ou les instants méga classiques, quelque chose comme ouais, ça. Okay, j'aime parce ça. Que je pense que c'est vraiment surprenant à quel point il s'est dit des affaires assez intéressantes à assemblage requis. Tellement surveillez ça d'ici la fin de l'émission. On a 3 blocs, comme on disait, un dans chaque heure. On va commencer tout de suite avec les positions numéro 25. Pourquoi pas, faut bien commencer à quelque part. Et du côté anglophone, ce qu'on va entendre en 25e place, c'est The Darcy's, qui est très, très récente. Celle-là, c'était numéro 3 à son plus haut, parce qu'on dit tout le temps à quel niveau ça a atteint. Ça s'est rendu en 3e place la semaine du 18 novembre. Ce sera la pièce Hunting sur l'album Warring. Alors que du côté francophone, on va l'entendre Supernova de Bradycardi. Ça a été numéro 1 de la semaine du 21 au 27 octobre. C'était fou en 2013. Comme une supernova, je m'éclate sans éclat.

C'était Suns et Holocene City en 24e place qui a duré 8 semaines et ça a été numéro 2 la semaine du 8 avril 2013. Et avant, en 25e place, on a entendu Hunting de The Darcy's et du côté francophone, Supernova de Bradycardie. On saute par-dessus la 24e place francophone, c'est Sarah Nrap avec Absinthe qui a été numéro 1 pendant 2 semaines, celle du 15 et du 28 avril. C'est ça, la période du 15 au 28 avril. OK, je comprends. C'est-à-dire, ce sont deux semaines situées là-dedans. Le début de la première semaine et la fin de la deuxième semaine. Genre, c'est ça. Alors, on va faire un autre bloc trois quarts, c'est-à-dire les 23e et 22e places du côté anglophone. Plus tard, on va entendre Bears of Legend ainsi que Young Rival. Mais on commence du côté francophone en 23e place. C'est Ta plus belle extorsion d'Olinéa. C'était numéro 1 pendant 2 semaines. Et ça, c'était au mois de mars. Ça fait quand même longtemps. Pas pire, mais je m'en rappelle comme si c'était... Comme si c'était comme cette année. Là. C'est ça, au début de l'année, mais maximum, genre. Maximum. Vous êtes à C'était fou en 2013. Across the

vous allez pas vous rappeler. Ah oui, au début. Mais moi, j'ai fait le saut. Je fais, oh, c'est vrai. C'est vrai dans le temps. Jadis, comme on dit. Jadis, Kotek. Donc, on va entendre les 21e et, ouais, non, 21e et 20e place du côté anglophone. Plus tard, il y aura MGMT ainsi que Fiddler. Mais on débute du côté francophone, bien entendu. Des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée s'est monté à la 7e place et du 25 mars au 7 avril. C'était fou en 2013. One more time, your life is a lie. Fiddler! Fiddly, fiddly, fiddler! C'était la position numéro 20 du côté anglophone. Way for the Man qui est monté au numéro 2 la semaine du 8 juillet. Alors que du côté francophone, on en a unanimement sauté par-dessus Webin de Bernard Adamus qui est monté en 7e place du 4 au 10 février. Et c'est resté 9 semaines sur le palmarès. C'est respectable. Je sais que toi, t'aurais aimé l'entendre. T'aimes quand même bien Bernard Adamus. Oui, mais dans les 4, c'était clairement celle que je désirais le moins. C'est vrai. Ben, c'est ce qu'on s'est dit comme principe. On voulait, au départ, on voulait jouer tout ce qui rentre en première heure, puis après ça, sauter directement au top 10 et tout sauter dans le milieu. Mais c'est plat de faire ça. Fait qu'à la place, on fait des blocs 3 quarts, puis on n'arrêtera pas. On va voir ce que ça va donner rendu à la fin. C'est ça. On s'est donné ça comme idée. Ça a l'air pas pire. Avant, du côté anglophone, on a entendu en 21e place MGMT et Your Life is a Lie qui est monté jusqu'au numéro 2 la semaine du 28 octobre. Et du côté francophone, on a entendu la moitié d'Hôtel Morphée et l'histoire de fantômes. Merci, Internet. Oui, on va être rendu à un bloc de 19 et 18e place. Encore une fois, bloc 3 quarts. Plus tard, en anglophone, Groenland et Rara. Mais on commence en 19e francophone et c'est Retour à l'Institut des Trois Accords. C'est vrai, puis ça, ben, c'était fou en 2000. C'est quoi l'année qu'on vient de vivre? Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il fallait que tu commences avant Jésus-Christ. Ah, ben ça commençait quand avant Jésus Christ? Bon, 1 million avant Jésus-Christ. Les dinosaures quelque part là-dedans? 999 999 avant Jésus-Christ. Et 99 cents. C'est le prix que ça coûtait dans le temps. Hey, ça va être long. C'était fou en 2013. Rempli de pertinence. Toujours. Je m'en retourne à l'Institut, à l'Institut, à l'Institut. Je m'en retourne à l'Institut. Dans le sens de la ligne de rue, la ligne de rue, la ligne de rue. Je m'en retourne. 18. I've Done, la 18e anglophone qui a monté au numéro 1 la semaine du 27 mai 2013. Du côté francophone, en 18e place, on a sauté par-dessus Ton Beffrale de Chantal Archambault qui est monté à la 4e place du 27 mai au 9 juin. Avançant, 19e anglo, Rara et Heart and a Wife qui est numéro 1 en juillet. Alors que du côté francophone, c'était Les Trois Accords avec Retour à l'Institut. Hey, ça avance vite, là, on a quand même un bon bout de fête. Ben oui. C'est toujours la compilation à la rétrospective de l'année 2013. Ça s'appelle C'était fou en 2013. C'est comme ça qu'on appelle ça, encore une. Hein? Ben oui. Puis toi, c'est Mathieu Plante. Toi, c'est Stéphanie Paradis. T'en peins ça? Ben oui. Donc, on va y aller avec les positions 17 et 16. On fait encore, comme toujours, des blocs trois quarts. Donc, on va sauter par-dessus la 17e anglo East Road. Mais on va entendre du côté francophone Fox de Karim Ouellet qui est monté à la 4e place dans la semaine du 25 février au 3 mars. Ah, c'était fou en 2013. Après Jésus-Christ. Pour ceux qui suivent pas trop. Le petit baby Jesus, JC. Tapis dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi. Son lot fraîche est là. Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Ne t'en va pas. Je n'avais pas l'esprit souple. Je ne ressentais pas de doute.

rouge. Eventful youth, though you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young, bored, and 24, find it in the charm of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24, and trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope. The Vaccine! Oh, oh, oh! C'est No Hope! Ça a été numéro 1 la semaine du 3 décembre 2012. Ça a duré 8 semaines. Et du côté francophone, c'était une version améliorée de La Tristesse de Peter Peter. Avance, on a sauté par-dessus East Road et Oh Love, 17e place, qui a été numéro 1 la semaine du 13 mai. Et du côté francophone, c'était Fox de Karim Ouellet qui est monté à la 4e place. Mm-hmm. On est rendu à un bloc de 14 et 15e, mais évidemment, on saute une chose. Dans ce cas-ci, on va sauter une par-dessus chanson. Une chanson. On va sauter par-dessus Nico Case. En anglophone, plus tard, Thomas Darcy. Mais on commence du côté francophone toujours, et c'est Les Détours de Chantal Archambault qui est monté à la 3e place et qui a été en 3e place pendant 3 semaines, du 4 février au 3 mars. Et restez là parce que tantôt, un instant classique édition rétrospective de l'année. Ça va d'être bon. D'être. Ça vaut la peine de dire le d'être. Ben oui, je m'en viens trifluvienne. Ouais. Ça a l'air, j'ai un accent. Ça a l'air.

CFOU 89.1. Alex Nevsky, les coloriers, position numéro 14, qui atteint le numéro 2 la semaine du 21 octobre 2013. On a sauté par-dessus la 14e place anglophone, c'était Man de Nico Case. Avançant en 15e anglophone, je t'ai coupé la dernière syllabe, mais c'était correct finalement. Thomas Darcy et I Wake Up Every Day, que j'ai encore dans la tête littéralement, presque littéralement tous les jours. Aussitôt que je me réveille, on dirait qu'inconsciemment, je me dis, je me réveille tous les matins comme dans I Wake Up Every Day. T'sais. Mais qu'est-ce que t'attends pour le mettre comme alarme pour te réveiller le matin? C'est une maudite bonne idée, ça. Ça serait tellement concert, je veux dire. Tu te lèverais le matin, même si tu serais seul ou au pire deux à l'entendre. Je sais pas si ta blonde se lève avant toi, probablement. En même temps, non, un petit peu avant moi, t'as raison. Ben, c'est ça, mais au pire, t'es tout seul à vivre ce moment-là, mais tu vas être quand même heureux et fier de ta shot. Le bonhomme, maudite bonne pièce de Thomas Darcy, numéro 1 pendant 3 semaines du 15 avril au 12 mai. Et du côté francophone, on a entendu Les Détours de Chantal Archambault, tiré de l'album. C'était bon, ça? Ouais, c'est pas pire hein, comme blague. On est rendu au position. Non, pas la blague, la toune qui était bonne. C'est vrai. Ah, mais d'ailleurs, Chantal Archambault, qu'on avait sauté en 18e place avec Tombé Frère, donc elle est présente quand même deux fois. C'est un bon exploit, ça, j'aime ça. Ben oui, bravo. Clap. Plus deux. On va faire les 13. C'était bien poche. Vraiment, c'était nul. On va faire les 13e et 12e places. Non, attends un peu. Ouais, on va faire ça. Vu que j'ai commencé ma phrase, on va faire ça. Les essais classiques après, OK? OK, OK. Après le prochain bloc. Donc, 13e et 12e, on va sauter par-dessus Violette Pie en 13e francophone avec Petit Singe Robot. Et on commence directement du côté anglophone avec Don't Get Heavy de Fur Trade qui est monté à la 3e place de la semaine du 14 au 20 octobre. Une des nombreuses pièces au Palmarès Fou en 2013 qui nous ont fait chanter des paroles alternatives là, comme... Don't get gravy. Ou deviens pas trop grosse. C'est les deux qu'on a sortis les meilleurs, je trouve. Les deux seuls aussi. Les deux seuls, ouais. Mais c'était juste bon tout de suite. Don't get pas trop gravy. Grosse. Les deux en même temps, ça marche super bien. C'était fou en 2013. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. We'll be right back. fume mad. Et flips de tous les culs, et chips dans mon écran. Pas de clope, je suis tout nu. Je regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air, plus d'en dehors. Grades. Fruin, de position numéro 12. Ça a duré 9 semaines et ça a monté jusqu'à la position numéro 2 la semaine du 7 octobre. C'est la même chose côté francophone. C'est resté 9 semaines et c'est monté jusqu'à la position numéro 2. C'était l'atterrissage d'Atomic Baobab. Avance en 13e place anglophone Fairtrade avec Don't Get Heavy, numéro 3 la semaine du 14 octobre. Et on a sauté par-dessus la 13e place francophone. C'était Petit Singe Robot de Violette Pie, mais je pense qu'on va revenir dessus. Ah, probablement d'ici la fin. On va être rendu aux positions numéro 11 de l'année 2013. Mais avant ça, parlant de rétrospective 2013, quand même, c'est là qu'on est. On est en train de faire la rétrospective de l'année au complet. C'est là. C'est là, maintenant. Ça se passe présentement. Et on fait la même chose pour Un instant classique. Oh! Version C'était fou en 2013. Alors, voici les meilleurs moments pour le début de l'année dans Un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis de janvier à avril 2013. Je l'aime pas, ma voix. Ben oui. Mais non, mais c'est normal. Je veux quelque chose de sexy, là. Comment? Sexy? Quelque chose de sexy. Ça va être... Pas habitué à ça, mais. Non, vraiment pas. Je te dirais... Oh boy, toi, quand ta blonde te demande, parle-moi cochon, boy, hein? Un chef au Japon a cuisiné et a servi son engin. Ben voyons donc. Ça goûte comme le poulet. Est-ce qu'ils disent à quelle sauce? Je sais pas. Sauce du chef. Sauce du chef. Ça, on le sait. C'est une tradition qui reste. Cette année, ils n'ont pas de spectacle. Ah, c'était magnifique quand c'était du café cognac. Je pense qu'on est rendu avec deux conversations séparées. Ouais, on va finir la... Ils vont y aller, les gars. Simon et François qui s'en parlent. Hey, bonjour, bienvenue à Assemblage Requis. C'est lundi 21 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et pour les cinq prochaines semaines, François-Olivier Marchand est en congé de paternité. Donc, il est allé nous pêcher. Jean-Philippe Charbonneau, bon matin. Hey, bon matin, bon matin. Ça tu parles d'une excuse, ça, pas venir pour être papa. Hein? N'importe quoi. N'importe Allez, quoi. Les jeunes aujourd'hui. Où va le monde? Où va le monde? J'ai commencé mon anecdote en disant, hey, une fois, je suis allé à l'épicerie. Le monde a fait, wow! Grand fou. Grand fou. Ben, c'est ça. Donc, j'étais en train de payer, justement. Puis la madame qui était derrière moi, la dame plutôt, a acheté un concombre et de la vaseline. En même temps, c'est tout. Tu sais, va à deux épiceries différentes. C'est la seule fois où la caissière a dit « Voulez-vous, allez-vous prendre un sac? » Elle a juste fait « Hey, je pense que je vais y donner un sac. » Plusieurs jeunes femmes de l'Ouganda. Ouganda. appliquent un mélange d'herbes à leurs lèvres d'en bas pour essayer de les allonger jusqu'à ce que les lèvres dépassent le maître. Le maître, oui, c'est ça, la longueur. J'ai même pas prévu ça, c'était dans ma tête. Oh. Mais ça vient de maître. John Philip. Yes. Car Goodwater. Oui. Charbonneau. Oh. Car Goodwater. Ouais. Non? Peut-être. Non? Moi, je trouve ça bien. Mm-hmm. Je trouve ça intelligent, même. Très bien déjeuné. J'ai mangé deux rôtis de blé entier avec un beurre d'arachide naturel et banane et café truffe chocolat framboise. C'est détaillé. J'ai mangé un rôti de porc, non? Pour de vrai? Non. OK. Non, vraiment pas. Je trouvais ça trash. Celle-là, je l'ai pas vu venir. On dit qu'à chaque tranche de 10 mètres, il y a une atmosphère et après ça, on a une atmosphère qui se rajoute. Donc, une atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Donc, millimètres. Évidemment, aussitôt que tu as une atmosphère, tu as un sport expert à chaque côté. Fait qu'à chaque 10 mètres, il y a un sport expert. C'est ça, exactement. C'est ce que je comprends dans ta logique. Même Amir Kadir, qui devait poser une question immédiatement après, il savait plus quoi dire. Il savait plus quoi dire. Non, donc c'est ça, je suis en train d'écrire des paroles, tu sais, tu pourras en rajouter. Délicieux comme un potage, beau comme un bricolage, on l'entend des coquillages, ils sont peut-être contre le mariage, à la maison comme à la plage, comme les cadeaux des rois mages. La jeucuteur, ça parle d'âge, yo! T'es sage. Oh, sage! Glaçage! Oui! Oh yeah! Bravo! C'était ironique. Ça paraissait peut-être pas dans mon ton de voix. Hey, on devrait se partir à la place d'une ligne érotique, une ligne ironique. Je vous envoie des commentaires sarcastiques et ironiques. Ah, c'est bon! T'approuves? J'acquiesce. Tu secondes? J'appuie. T'entérines de bison?

neige. Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying don't you... Dis! C'est quand la Awkward 10e place, ça a duré 9 semaines et ça atteint numéro 1 le 4 mars 2013. Du côté francophone, c'était Coup de vent de Summerland qui montait à la première place du 14 au 20 octobre. Avançant en 11e anglo, c'était Set the Well et Mother qui a atteint numéro 1 la semaine du 18 novembre. Alors que du côté francophone, on a sauté par-dessus les frères Goyette avec Gros Boc. Mm-hmm. On vient d'entrer dans le top 10 par le fait même parce que c'est le numéro 10. Hein. Ooh. Et il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste seulement les positions 9 à 1. On va savoir à la fin de l'heure qui est au sommet de l'année. Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être malade. Et en plus des instants classiques, l'assemblage requis pour les mois de septembre à décembre. Je pense que ça va être une heure épique. Oh que oui. Alors continuons là tout de suite avec les positions numéro 9 du côté anglophone, Metric et Speed the Collapse, qui a duré 9 semaines et qui a été numéro 1 pendant la semaine du 21 janvier 2013. Voilà. Et c'est la même chose du côté francophone. C'est resté 9 semaines et c'est monté jusqu'à la première place. C'est Don't Get La de Mister Valère. On s'en va entendre ça maintenant. Ah, c'était fou en 2013? C'est quoi ça? Ben, c'est la rétrospective de l'année d'août. Voyons, c'est évident. Ça fait juste comme 8 ans avant. 9. The Collapse de Metric, position numéro 9 de l'année 2013. Ça a duré 9 semaines et était numéro 1 la semaine du 21 janvier. Tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Don't Get La de Mister Valère, qui est monté aussi à la première place et qui est resté 9 semaines. Avant, c'était les 10e et en anglophone, on a entendu The Damn Truth avec Kinda Awkward, qui était numéro 1 en mars. C'est vrai, ça? Oui. Oui. Mais on l'a dit tantôt. On l'avait dit, ouais, c'est ouais. Ça. On a tout dit, mais si on répète, c'est la radio. Les gens ne savent pas. On passe beaucoup de temps sans parler à cette émission, c'était fait en 2013. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 pièces de chaque côté, puis on a juste 3 heures. Puis je pense que c'est plus intéressant de les écouter, les pièces, que... Oui, c'est ça. Le reste de l'année, nos blagues sont très, très pertinentes. Dans cette émission spéciale, on ne parle pas. On est rendu aux positions numéro 7 et 8, et on va les sauter les 4 d'une shot. Ben oui. Donc, du côté anglophone, la 8e, c'est Said the Whale et I Love You, qui a été numéro 1 au mois d'août et septembre. Et en numéro 7, c'est Royal Canoe et Bad Tub, qui a été numéro 1 en octobre. Et du côté francophone, on saute par-dessus la 8e, qui est Mets ça dans ta pipe, de Mimi Vandergloo, qui était numéro 1 du 22 juillet au août. J'ai pas de chiffre. En août. Donc, probablement la semaine d'après. Et on saute aussi par-dessus la 7e place, qui est Exercice des trois accords, qui a été numéro 1 du 10 décembre au 6 janvier.

j'ai pas d'accent que je oui, dis ça. Oui, t'as l'accent quand tu dis soleil. Soleil, soleil, Caraïbes, soleil, soleil. Tu aimes le soleil, tape des mains. OK. Tweet, tweet, face to face. Splash face. Fluk, fluk. Parlant de splash face, Stéphanie, je te vise plus. Et splash face. Je n'aime même non, pas. Non, c'était quoi, ça s'en va où, ça? Je n'aime pas. Voulez-vous que je vous laisse? Si tu veux, si tu veux. Non, non. Tu as dit ostentatoire? Oui, oh je voulais non. juste le plugger. On devrait sortir un tatoueur devrait s'appeler ostentatoire. Ostentatoire? Mais il ferait que des affaires religieuses. Je suis un instantatoire. Instantatoire. Instantatoire, tatoueur, instantanément. Les femmes pourraient venir là, à la place de porter une burqa, parce que c'est plat de tout ça porter une burqa, tu fais tatouer une burqa dans la face. Oui. Toute ta face noire, sauf les yeux. Puis, non? Mm. Ça va trop loin? Non, non, non, non, je comprends ton cheminement intellectuel. Merci. Ou l'absence de. Moi, je le trouvais bien drôle. Moi aussi? Merci. Instantatoire, instantanément. Instantatoirement. Hey, la chronique porte bien son nom aujourd'hui. Hein? C'était instantatoire. Ouais, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la période de septembre à décembre 2013. Même décembre jusqu'à vraiment la semaine passée. Je suis allé même jusqu'à des meilleurs moments de la semaine passée. Là. Wow. L'année où je veux vraiment faire l'année. T'sais. Solide. Solide. Deux petits blocs donc pour l'édition 2013 d'assemblage requis. Retrouvez ces blocs-là sur assemblagerequis.com si vous avez manqué quelques gags là-dedans. T'sais, des fois, ils sont tellement intelligents, les gars, que je fais. Ben oui, c'est ça, des fois, on y pense trop puis on en mange. C'est ça, il faut vraiment être attentif. Oui. Donc voilà pour l'assemblage requis. Écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Et c'est qui anime ça? Ben, on l'a annoncé en primeur à la dernière émission de la saison d'assemblage requis. Donc ce matin? Donc la dernière édition le 19 décembre 2013, dépendant de où vous nous écoutez. Et Jean-Philippe Charbonneau va co-animer avec moi les lundis et mardis matin. Et Madame Stéphanie Paradis, son honneur, sa majesté, Stéphanie Paradis, mercredi et jeudi. Oui, c'est bien toi. Cool! Et you! J'aime ça, sa majesté. Oui, hein, c'est pas pire. Hein? Ben oui, je pense que je vais demander ça à la maison aussi. Donc, t'aimes mieux ça que dictatrice en chef? Ben, majesté, j'ai plus l'impression que vous me respectez, contrairement à dictatrice. Et prédatrice en chef, ça te fait quoi, ça? Ça, je n'ai pas ça. Non, okay. C'est kinky. Mais j'ai l'impression de porter du léopard, je suis pas certaine. Oh, un beau léotard de léopard. Yark. Yeah. Toujours dans C'était fou en 2013, la rétrospective de l'année au complet des palmarès C'est fou. On était rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone. On entendra Diamond Rings et I'm Just Me qui a duré 10 semaines et qui était numéro 1 la semaine du 10 décembre 2012 au 6 janvier 2013. C'était un palmarès de fin d'année qui était assez long quand même. Mais on va commencer du côté francophone toujours. On s'en va entendre Ta cadence de Navarre. C'est monté à la première place de la semaine, dans la semaine du 9 au 14 septembre. C'est resté quand même 10 semaines, donc une pièce importante. On va pouvoir le dire une dernière fois, là. On va de Navarre, du plaisir! On le fait à chaque semaine quand c'est super marrant. We'll be right back. 3. When I had a young heart, I got a late start. I was too afraid to love, afraid of my body or anybody, thinking of what I thought of. Now I'm growing older, I'm getting bolder, confident in my own skin. I just wanna come through, I wanna come through, I just wanna let you in. Hold me underwater, teach me how to breathe. I'm no son or daughter, I'm nothing, just me. Leading me towards the fire. All I want are your lips, redder than rose hips, sleeping next to my desire. Show me what to live for and how to give more, because of you I believe. You and I can foment the perfect moment, three-dimensionality. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. As the Moon 7, c'est la position numéro 3. Ça a duré 10 semaines. C'était numéro 1 pendant 2 semaines, du 11 au 24 février. On a sauté par-dessus La fièvre des fleurs de Claude Pelgag en 3e francophone. C'est monté à la première place du 4 au 10 novembre. Et c'est resté quand même 10 semaines aussi. Bon, on l'évite pas parce qu'elle parle de leucémie tout le temps. C'est un peu déprimant. Là. C'est pas juste pour ça. Mais non, c'est parce que c'est très récent. Très, très récent, en effet. Mais c'est un succès quand même, Claude Pelgag. Assez fou. Avant, du côté anglophone, en 4e place, c'était Diamond Rings et I'm Just Me, qui a été numéro 1 du 10 décembre au 6 janvier 2013. Et du côté francophone, on a entendu Ta cadence de navire, une excellente pièce qui est restée pendant 10 semaines. Voilà pour ce bloc. Il nous reste seulement les numéros 2 et 1. Le temps file. Il nous reste une quinzaine de minutes à ce spécial. C'était fou en 2013. Et quelques minutes avant les jeux de mots qui vont avec les premières places de l'année. Donc, les meilleurs jeux de mots, la barre est super haute. Oh, j'espère que tu t'es préparé, non? Pas en tout, jamais. Hey, quand même. Côté anglophone, la numéro 2 a duré 11 semaines et ça s'est rendu au sommet, toi, du 7 au 20 janvier. Et du côté francophone, c'est resté 11 semaines. C'est Femmes de Le Couleur qui était numéro 1 du 19 août au 8 septembre. On écoute ça, c'était fou en 2013. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou vous a offert pendant toute l'année. Wow! Malade. Wow! Re. Wow! Re. Wow! Ça vaut ça. Thank you. Liar Liar de Hunter Valentine. Ça a duré 11 semaines. C'est la position numéro 2 pour l'année. Ça a été numéro 1 pendant 2 semaines, du 7 au 20 janvier 2013. Et la fille qui chante a tellement d'attitude. T'sais, on la voit tout le long du clip chanter là, avec de l'attitude, mais vraiment. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du côté francophone, on a entendu Femme de Le Couleur. C'est monté au numéro 1. C'est resté 11 semaines. Il nous reste seulement les numéros 1 de l'année au complet. Mais avant ça, on tourne la page parce que Colin. Ah, Colin. J'ai presque oublié qu'on avait une chanson pour cette chronique-là, moi. Te rappelais-tu de ça, toi? Ouais. Je préférais l'oublier. Ne t'en cache pas. Voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Yo! Oh! Wow! C'est Ailleurs dans les palmarès où on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, c'est fou. Et pour l'année au complet, on a seulement un top 10, un top 30 loud, pardon. Donc allons-y avec le top 5 de ce top 30. En cinquième, c'est Voivode avec Target Earth. Ça a duré à 14 semaines. Ensuite, une durée de 15 semaines pour la quatrième place, Satan et Life Sentence. En troisième, c'est Enslaved avec Right Here, qui a duré 17 semaines. En deuxième, c'est Person et l'album The Circle and the Blue Door, qui a duré 20 semaines. Et en première place, c'est Ghost avec Infestissimum, oui, c'est ça, qui a duré 22 semaines. Je sais qu'un top 5 musique du monde, je ne l'ai pas avec moi, mais il existe et David Ferron en est fier d'avoir travaillé là-dessus. Faut croire qu'il n'est pas assez fier pour le mettre ses feuilles, mais il est pareil. Mais bravo, David Ferron. Bravo, David Ferron. Écoutez, Branchez le Monde, qui va être de retour en janvier dans sa case horaire du dimanche entre 17h et 19h. C'est Branchez le Monde. David Ferron, salut! C'est nous autres, le monde? Peut-être. On fait partie du monde. On est, des fois, on n'est pas du monde aussi. Là. C'est vrai. Ça n'est pas... C'est vrai que tu n'es pas tout le temps du monde. Moi non plus, je te renvoie le compliment, c'est ça, bien placé pour parler, madame. Donc, maintenant, du côté des numéros 1, ça veut dire qu'il faut faire des jeux de mots. Et des fois, les jeux de mots peuvent être un petit peu compliqués. Ça se passe... Oh, mais ça se passe dans mon imaginaire, souvent. C'est comme si, dans ma tête, je me bâtissais une petite ville de gens qui comprennent mes jeux de mots. Mais vous, vous n'êtes pas dans cette ville-là. Donc, un jour, tôt ou tard, vous allez finir par les comprendre et en tomber amoureux. Oh. Ça, c'est le côté anglophone. J'ai fait mes jeux de mots, je t'ai dit après ça. Du côté francophone, Colin, mes jeux de mots, oui, j'avoue que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple comme, mettons, les étapes pour manger de la tarte. Ou encore, les chiffres après le 3 dans pi. Tu comprends-tu, tu sais? Oh yeah, ouais. Sinon, comme les couleurs. T'sais, les couleurs, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Il y en a qui fit plus avec plusieurs affaires. T'sais, comme, mettons, ça dépend des gens, mais il y en a qui fit moins avec le mauve ou le violet. T'sais. Ben, mes jeux de mots sont comme ça. Ils vont pas nécessairement être appropriés dans chaque situation. Des fois, ils vont vraiment tomber à plat. T'sais. Des fois, il va falloir arrêter vraiment pour les comprendre. Un peu comme t'arrêterais pour sentir les fleurs dans une ville comme, disons, je sais pas, Londres. Ou une ville outre-mer, tu comprends? Wow! Donc voilà pour mes jeux de mots. Hey, c'était lourd! Lourd et incompréhensible! Donc, je vais un peu clarifier les choses avec vous, cher public. S'il te plaît. On s'en va entendre du côté anglophone, la position numéro 1. C'est resté 13 semaines. Wow! C'était numéro 1 du 23 au 29 août. C'est Sooner or Later de Imaginary Cities. Mais tout d'abord, on s'en va entendre du côté francophone. Une excellente pièce, Fleur de Londres de Violette Pie, qui est restée 12 semaines sur le palmarès. En effet, on s'en va entendre ça dans les prochaines secondes. Toujours à C'était fou en 2013. Vous savez, c'est la rétrospective de l'année au grand complet. L'année qu'un jour, on va commencer à dire juste 13 au lieu de 2013. Je sais pas à partir de quand. Je sais pas moi non plus, parce que c'est long. Là. On a quand même une décennie et presque une demie. Là, au moins 13 ans. Environ. Et 9 mois. Et 11 mois et demi. 9 mois. T'es-tu enceinte, Mathieu? Je sais plus. Qu'est-ce que je dis là? On va l'entendre Violette, puis ça va être plus simple à comprendre. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, c'est déjà bon. Pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefact, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne voit jamais je ne vais l'oublier. Position. C'était les positions numéro 1 pour l'année 2013. En anglophone, on vient d'entendre Imaginary Cities et Sooner or Later, qui a duré 13 semaines et qui a atteint le numéro 1 la semaine du 23 août. Du côté francophone, on a entendu Fleur de Londres de Violette Pie. C'est resté 12 semaines, mais ça a seulement atteint le numéro 2. Et c'était pendant 2 semaines, du 11 au 24 février. Voilà pour cet effort en 2013. On a eu du plaisir, on a écouté de la bonne musique. C'était un don ben bon. Ah, c'était excellent. J'ai adoré ça, 3 heures de plaisir. Personnellement, je suis très satisfait de ce palmarès-là. Moi aussi, l'acte était fantastique. Hein? Oui, 3 heures de coït ininterrompu. C'est ça. Musical, bien sûr, pour vos oreilles. Ça rentre bien dans le trou, ça rentre bien dans le trou de l'oreille. Donc, on va se retrouver en janvier pour une autre saison hivernale. Les palmarès, c'est fou. On va, comme toujours, être en direct les jeudis entre 15h et 18h. On va continuer de repasser, en tout cas, selon le plan jusqu'à maintenant, les dimanches, pour l'instant. On vous dira ça en janvier, Caroline. Restons les jeudis à 15h pour l'instant. C'est tout ce qui est c'est important. Ça. C'est ça. Pendant les fêtes, Stéphane en 2013 va rejouer une couple de fois. Visitez cif.ca pour la programmation des fêtes. Tout est instable et tout. Ou s'intonisez tout simplement si fou comme sans arrêt, vous êtes certain de tomber dessus. Quelle bonne morale! C'est une bonne idée, ça? J'aime ça. Cif.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions complètes de toutes les émissions qu'on a fait toute l'année en 2013. J'ai compté un peu pour le Mathieu Plancheau. J'ai écrit un super gag. Là. Tu sais comment j'ai écrit des bons gags au Mathieu Plancheau. Je dis que si vous voulez vous rattraper dans tout ce qui est Mathieu Planche, donc assemblage requis, palmarès, Mathieu Plancheau, etc., ça va prendre environ 450 heures. Pour 2013. Juste pour 2013? Juste pour 2013. Attends, là... Ouais. Je sais que je passe pas toutes ces heures-là avec toi, mais non, ça en fait quand même beaucoup. Ça en fait beaucoup trop, mais c'est ça. J'ai fait mes calculs, j'ai revérifié, tu sais. Moi, mais t'es pas bon en maths. Il y a ça, mais j'ai vraiment essayé. Si on compte les versions estivales où on fait des 4 heures, les parasites nous ont 3 heures, les Mathieu Plancheau d'une heure et Assemblage requis qui font 2 heures chaque, en théorie, environ 455 heures. Je pense qu'on est à veille de changer le nom de la station. C'est ça. C'est MAT. C'est l'ancien nom du site web d'Assemblage Requis. Ah oui? C'est MAT. Ouais. Mauvaise idée. Mais je sais, c'est drôle. Donc voilà, à l'année prochaine tout le monde. Bye! Merci Steph! Hey, merci Mathieu! Hey, hey! On se quitte avec quelque chose qu'on a sauté en début d'émission. C'est pas au début, vers le milieu. On a sauté ça par-dessus la 8e place, ouais, finalement. Dis-la-donc, c'est Mets ça dans ta pipe de Mimi Van Der Rio.